Je m'appelle Christophe Molmy, je suis commissaire divisionnaire, chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention à Paris. Alors on est installé ici au 36 quai des Orfèvres dans votre bureau. Et puis derrière vous, il y a une très belle photo en noir et blanc, photo collective avec des gens qui sourient, qui vous sourient. Qui sont ces gens? Ah, c'est une photo très touchante, ça. Ce sont les otages, précisément les otages du couloir du Bataclan, qui des années après ont souhaité revenir au service, nous rencontrer et qui m'ont offert cette photo. Et donc forcément je la garde, elle est toujours dans mon champ de vision du bureau parce que ça nous rappelle pourquoi on travaille. Ce qui a frappé, c'est le nombre de victimes. Comment on fait humainement pour débarquer sur une scène comme celle du Bataclan et faire son travail sans avoir l'esprit qui part ailleurs, parce que là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'otages, il y a beaucoup de victimes. C'est une question sensée, mais difficile en même temps. Hein. Je vous dirais qu'on n'est jamais totalement préparé, malgré le fait que mes collaborateurs sont des gens très aguerris pour la plupart, et que c'était pas la première fois qu'ils voyaient des corps. Mais que ce soit à l'Hypercacher, au Bataclan ou à Charlie Hebdo, bon, c'était vraiment hors proportion, quoi. Bon, c'est difficile, on essaye de se préparer au mieux. Ce qu'il faut, c'est d'abord gérer au moment de l'intervention, mais ça, globalement, ça va à peu près parce que les mécanismes d'entraînement prennent le dessus, ce qui est souvent difficile, et on l'a vraiment pris en charge après 2015, c'est les risques post-traumatiques. D'une part, donc, on a fait des débriefings, on a fait venir des psychologues, on a fait parler les gars, on leur a offert les moyens de s'exprimer. Voilà, ça c'est très important, on le faisait pas suffisamment ou pas forcément bien avant. Hein. Donc on s'est inspiré aussi des militaires, on a rencontré des militaires qui nous ont un peu expliqué comment ils faisaient, parce qu'ils ont quand même de l'avance là-dessus. Et puis assez naturellement, vu le nombre, la question s'est posée de la relation avec les anciens otages, les anciennes victimes. On n'a jamais eu trop à la BRI la posture d'aller les chercher, quoi. Mais que lorsqu'ils se sont présentés au service, on n'allait pas leur fermer la porte au nez. On se sentait pas de le faire d'une part, et puis ça aurait été stupide. Donc les accueillir, discuter avec eux, c'est à la fois quelque chose qui a été enrichissant, mais qu'il a fallu gérer avec précaution aussi, parce que ces ex-victimes, certaines, en ont besoin pour se reconstruire. Nous l'ont expliqué d'ailleurs. Mais d'un autre point de vue, c'est quelque chose qui peut nous vulnérabiliser, nous fragiliser. Donc il faut le faire avec beaucoup de précautions. En même temps, c'est quand même très enrichissant parce que moi, j'ai toujours été très touché par le récit que font ces ex-otages, en particulier ceux qui étaient sous la menace des terroristes dans ce couloir au Bataclan. Je trouve qu'ils gardent une dignité et une humanité, une sincérité qui est vraiment très touchante. Donc les rencontrer, ça nous a aidés aussi. Et c'est important de comprendre comment ils fonctionnent. Nos négociateurs ont eu beaucoup de relations avec eux après, hein, parce que ils ont besoin de se nourrir de ça aussi. Donc on a eu de nombreux échanges avec eux par la suite. Moi, ça m'a beaucoup enrichi, mais en même temps, faut le faire au bon moment, dans les bonnes conditions, avec suffisamment de discernement, et il faut le faire quand même avec une certaine réserve malgré tout, parce que il faut pas être happé par ça, et puis on a face à nous aussi des gens qui sont très fragiles. Il faut faire attention à ce qu'on peut leur dire, à ce qu'on peut leur montrer. Il faut être très prudent. Vous pouvez pas recevoir par exemple un ancien otage trop tôt et discuter avec lui faire voir du même nouveau matériel par exemple qu'on aurait reçu, leur faire voir un fusil d'assaut. Oui, mais il y a des choses auxquelles il faut qu'on pense malgré tout, hein. On a eu beaucoup d'ex-otages ou ex-victimes qui nous rencontraient, en particulier lors des cérémonies. On en a vu encore la dernière cérémonie du 13 novembre, et qui cherchent précisément la personne qui les a sortis, par exemple, qui nous dit « voilà, c'est quelqu'un de chez vous, j'ai vu qu'il y avait un blouson de telle couleur ou qu'il faisait telle taille, je veux le rencontrer, j'ai besoin de lui parler ». Donc on le fait, mais on demande toujours quand même aux fonctionnaires, si toutefois on arrive à l'identifier, s'il est d'accord, quoi. Certains ont plus de réticence, il y en a qui ont beaucoup de facilité à le faire, il y en a d'autres qui sont très réticents ou même qui disent « non, moi je me sens pas de le faire », parce que c'est quand même... Vous savez, moi, ces cérémonies, par exemple, à titre personnel, moi je suis très fier de représenter mon service, mais en même temps, c'est toujours une souffrance, quoi. Parce que vous êtes face à tellement de gens qui ont connu des horreurs et qui sont là et qui viennent vous voir. Et qui... Moi, je me rappelle une mère qui est venue voir, qui me disait « voilà, je voulais vous remercier parce que pour ce que vous avez fait, mon fils est mort durant l'attaque des terroristes ». Enfin, c'est terrible, moi, je savais pas quoi dire à cette femme, quoi. On n'a pas pu sauver son enfant, mais en même temps, avec le recul, je comprends qu'elle avait besoin de dire merci à quelqu'un et puis qu'elle essayait de trouver un peu de sens à tout ça et un peu de positif, mais bon, ça reste difficile à appréhender quand même. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, vous me disiez que lorsqu'on arrive sur une scène comme celle du Bataclan, les corps, les victimes qu'on enjambe pour aller sécuriser le lieu, ben, il faut les déshumaniser avant de pouvoir les réhumaniser parce que sinon on peut pas mener à bien la mission. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'on le fait en fait, on se force même pas. Il y a des mécanismes qui prennent le dessus. Hein. Là aussi, toute proportion gardée, c'est comme les médecins qui pratiquent de l'humour noir pour essayer de prendre de la distance, se détacher. Mais il faut, on se dit pas sciemment, non, je ne veux pas voir que son décor, je vais les dépasser comme si c'était des meubles. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On prend de la distance, puis on est tellement écrasé aussi et happé par ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a tellement de travail pour coordonner une action, pour prendre des décisions, voilà. Mais je pense quand même que on se doit de prendre de la distance à ce moment-là. C'est pas le moment de se laisser envahir par toute l'émotion, parce que c'est terrible, quoi. C'est terrible. Je me rappelle d'une mère qui était enlacée avec son enfant, enfin des choses, des jeunes qui étaient très touchés physiquement. Soit ça peut vous mettre dans une rage folle et vous n'avez pas assez de sang-froid après pour travailler, ou ça vous écrase tellement que vous êtes annihilé, ou vous perdez vos moyens. Donc non, il faut prendre la distance. Mais c'est difficile. Alors je vous le redis, tous autant qu'on est, on est des policiers depuis longtemps et on a tous vu dans notre carrière des corps, que ce soit des suicides, des accidents de la route, c'est pas les premiers qu'on voit. Après là, on était quand même, c'est affreux, mais on était quand même dans des proportions qu'on pouvait pas imaginer, quoi. Moi j'ai vu des centaines de personnes allongées par terre. Le premier réflexe, on a dit mais c'est hallucinant, enfin c'est l'enfer de Dante, hein, quoi. Non, on n'était pas préparé à ça, vous rajoutez l'odeur, tout un tas de trucs, le stress. C'est difficile à gérer, hein, mais bon, on arrive à le faire, encore une fois. Et puis, c'est la force aussi du collectif. C'est un groupe, hein, une personne seule fait rien, hein, donc ce collectif aussi prend le dessus, les mécanismes de l'entraînement. Voilà. Puis on est tellement soucieux après de sortir les personnes qu'on peut sortir vivantes que l'immédiateté est là, quoi. Alors toutes les victimes que j'ai pu rencontrer souffrent de syndrome post-traumatique. Qu'en est-il de vos hommes, de vous, des pompiers, des aides-soignants, des médecins qui arrivent sur ce type d'opération et sur ce type de scène ? Alors je crois qu'il ne faut pas se mentir. J'ai pas le sentiment, sincèrement, que certains de mes collaborateurs ont été traumatisés par l'opération. Mais marqués, oui. Moi, j'ai personne chez moi qui me l'a dit, mais si l'un d'entre eux me disait « Non, c'est une soirée comme une autre, on a fait le boulot et ça m'a pas touché », je pense que je m'inquiéterais beaucoup pour son état de santé mentale. Et c'est pas le cas. Ils ont... Et le travail qu'on a fait aussi avec les psys a été très bénéfique. Collectivement, d'une part, en groupe, parce que c'est l'ADN de la police judiciaire, et aussi ici à de la BRI, c'est le groupe. Et ils ont pu voir, lorsqu'ils le sentaient nécessaire, des psys individuellement. Voilà. Et puis le fait d'en parler, on en a parlé en interne, un peu sur tous les tons, mais quand c'était nécessaire, quand on sentait qu'il y en avait, certains avaient besoin de parler, on discutait. Voilà. Puis au fur et à mesure du temps, on en parle de moins en moins. Aujourd'hui, on en parle quasiment plus. Vous savez, les gars sont fiers de ce qu'ils ont fait, mais on ne parle quasiment plus spécifiquement de tel moment de l'assaut, de la soirée. Ça. Mais on est marqué, voilà. Moi, je suis marqué, hein, naturellement. Hein. Mais par après des choses qui sont parfois stupides, des choses toutes bêtes, quoi. Par exemple, on est passé à l'assaut à minuit 18. À chaque fois que je suis chez moi, parce que c'est souvent le cas, heureusement, à minuit 18 que je suis chez moi, et je vois l'horloge de ma chambre qui marque minuit 18, j'ai un mouvement de pincement. Enfin, on a tous des choses comme ça qui nous rappellent un peu à l'ordre, quoi. Mais voilà, ça va pas au-delà de ça. Alors quand vous regardez ces visages qui sont tous tournés vers vous, vous dites quoi quand vous voyez ces yeux pleins de vie et ces sourires ? Je trouve toujours ça très émouvant, quoi. C'est très émouvant parce que pratiquement on sait que sans le travail qui a été fait ici par les hommes de la BRI, probablement qu'une bonne partie d'entre eux serait mort. Donc on peut être au moins fier de ça, quoi. Alors, 4 ans après, comment vous allez ? Beaucoup mieux, même s'il y a encore des moments un peu compliqués, qui me surprennent. Enfin, je suis par moments des choses qui remontent, des choses inattendues, des voix, des bruits, des images, des paroles. Mais je vais beaucoup mieux. J'ai mis 2 ans ou 3 ans avant de me sentir un peu mieux, avant de pouvoir reprendre les transports en commun sans me poser trop de questions. Mais précédemment, effectivement, je ne pouvais pas prendre le métro, je ne pouvais pas prendre le bus. J'étais en permanence dans l'angoisse qu'il se passe quelque chose. Donc je descendais régulièrement des rames et mon voyage pouvait durer 2 heures. J'avais beaucoup de mal. Voilà, mais aujourd'hui, je reprends les transports. J'ai eu beaucoup de mal aussi à prendre les transports avec mes enfants, à me retrouver dans des endroits confinés, comme le cinéma, les magasins, les cinémas. J'y vais, mais je me mets toujours pas loin de la sortie, quoi. Je repère la sortie et je me mets pas loin. Voilà. Donc, je sais pas si on peut dire que je vais bien aujourd'hui, finalement, quand je m'entends parler. Mais je vais beaucoup mieux, mais j'ai encore des angoisses. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Je suis rentrée vers 5h du matin chez moi, après être passée à la mairie du 11e, avoir discuté avec les gens, être prise en charge par les personnes qui étaient là. Et ensuite, je suis rentrée. Je sais pas, je crois que j'ai pas dormi pendant 2 jours. J'étais complètement anéantie, je voulais pas sortir dans la rue. Et puis j'ai été arrêtée une semaine. Voilà, là j'ai essayé de me raccrocher un peu à mes enfants. J'ai profité d'eux cette semaine-là, de les emmener à l'école, aller les chercher, de profiter d'eux à fond. Et puis j'ai repris le travail au bout d'une semaine. J'ai cru que j'étais capable d'aller au travail et je suis montée dans un tram. Et en fait, j'en suis ressortie 30 secondes après en pleurant parce que j'étais incapable d'y aller. Donc la société pour laquelle je travaille a mis un service de taxi à ma disposition pendant 2 mois, ce qui m'a énormément aidée. Ce qui a été le plus compliqué, c'est quand ça s'est arrêté après, ce service de taxi. Là, j'avais beaucoup de mal, donc j'avais la boule au ventre le matin, le soir, dès qu'il fallait que je rentre chez moi ou que j'aille travailler. Donc j'appelais des collègues qui m'accompagnaient sur le chemin. Ça, c'était plus compliqué pour moi. Après, je me suis fait suivre psychologiquement. Ce qui était compliqué aussi, c'est que du coup, j'avais des séances, mais qui n'étaient pas du tout à côté de chez moi. Donc c'était pareil, il fallait que je prenne des taxis tout le temps. Je ne pouvais pas prendre les transports pour y aller. Mais ça m'a beaucoup aidée. Voilà, et puis j'ai essayé de me reconstruire avec l'appui de mes proches, de mes amis, de mes enfants qui m'ont beaucoup aidée. Enfin, je me suis beaucoup raccrochée à leur énergie. Et voilà, je me suis rapprochée de la nature. J'ai eu besoin d'aller marcher, faire des balades, me rapprocher de ça. Je me suis rapprochée aussi de certaines personnes qui étaient avec pas loin de moi dans la salle, mais très peu finalement. J'ai pas eu envie de baigner dans les associations. J'ai eu envie juste de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Donc seulement quelques personnes avec qui je discutais, mais un tout petit groupe en fait, vraiment tout petit groupe. J'avais pas envie d'en parler tout le temps en fait. J'avais pas besoin et pas envie de. J'avais envie de prendre du recul par rapport à ça et de faire mon chemin seul. Alors, ce soir-là, vous n'étiez pas avec vos enfants. Comment vous avez raconté tout ça une fois rentrée à la maison ? Je les ai vus 2 jours plus tard, en fait. Je les ai pas vus le week-end qui a suivi. Je leur ai dit qu'il s'était passé des choses très graves et que je leur ai pas dit la vérité. Je leur ai pas dit que j'étais dans la salle. Je leur ai dit que j'étais dans un bar à côté et que j'avais vécu ça de très près, que j'avais dû me cacher. Ils étaient petits à l'époque et j'ai pas voulu les effrayer plus que ça. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils me posaient beaucoup de questions dès qu'on passait devant le Bataclan pendant les mois qui ont suivi. Combien il y avait eu de morts, qu'est-ce qui s'était passé exactement. Ils étaient très sensibles à tout ça. Parfois, c'est même eux qui me rassuraient quand il y avait des bruits qui me faisaient sursauter. Ils venaient me rassurer en me disant que c'était que des pétards ou qu'un échafaudage qui faisait du bruit. Et voilà, donc ils étaient. Je ne leur ai pas dit tout de suite. En revanche, on en a reparlé l'année dernière, la veille du 13 novembre en 2018. Et là, j'ai senti qu'ils étaient en âge de comprendre ce qui s'était passé réellement, donc je leur ai raconté la vérité, sans rentrer bien sûr dans les détails, mais je leur ai dit que j'étais dans la salle ce soir-là. Je sais qu'ils ont été très touchés par toutes ces histoires et qu'ils ont été très attentionnés avec moi après. Ils m'ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour remonter la pente. Alors après, il a fallu, j'imagine, entamer un long parcours du combattant vis-à-vis du fonds de garantie, vis-à-vis de tout ça. Oui, alors moi au départ, je ne me sentais pas justement légitime par rapport au fonds de garantie, puisque je n'avais pas l'impression d'être une victime. Donc j'ai mis du temps avant d'ouvrir un dossier, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais aussi une victime, jusqu'à ce que je comprenne que je souffrais et que finalement j'étais une victime comme plein d'autres parce que ma vie avait changé et que j'avais du mal à reprendre le cours d'une vie normale et que je souffrais beaucoup et que je pleurais beaucoup et dès qu'il fallait sortir, dès qu'il fallait prendre un métro et que là j'ai eu une colère en fait qui est montée quelques mois plus tard, une colère. Et là, je me suis dit, ok, finalement, je ne suis pas qu'une rescapée, je suis aussi une victime de ces attentats. Et je me suis dit que ça allait m'aider à m'en sortir aussi, que ça allait m'aider à déjà bon, faire reconnaître mon statut de victime, ça c'est clair. Et puis, ça allait m'aider à tourner la page aussi. Donc, il a fallu en reparler, ce qui a été très douloureux. Et ça a effectivement duré des mois, voire des années. Mais oui, ça y est, c'est fait. Le dossier est refermé, là, du fonds de garantie. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que vous étiez consolidé, comme on dit ? Ça ne veut rien dire, parce que c'est consolidé à un instant T. Voilà, je pense qu'ils ont des barèmes. Ils jugent que par rapport à ce qui m'est arrivé ce soir-là, et par rapport au temps qui s'est écoulé, je suis consolidée. Et bien sûr que ça peut s'écrouler dans quelques années, ça peut revenir, mais je pense qu'on peut rouvrir le dossier. Mais bon, pour le fonds de garantie, c'est voilà, ils ont besoin de clore certains dossiers qui sont certainement plus simples que d'autres, et ils en ont beaucoup à traiter. Donc, et c'est vrai que moi, j'allais beaucoup mieux au bout de 2 ans. J'allais beaucoup mieux. Après, je sens que c'est très fragile. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, en subissant une petite opération il y a 2 ans, que j'ai fait des complications derrière. Je m'en suis pas remise en fait de cette opération, qui était une opération tout à fait bénigne. Et en l'analysant un peu, je me suis dit qu'en fait c'était aussi ma façon de. J'ai beaucoup focalisé sur cette petite blessure physique que j'ai eue, et je pense que c'était aussi ma façon de traduire tout ce qui m'était arrivé au Bataclan. C'était enfin ça se voyait en fait. Enfin, je boitais. Enfin, c'était peut-être une façon aussi de montrer. Et bon, c'est ma propre analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça s'est traduit comme ça chez moi il y a 2 ans, en fait. Je l'ai compris après. Vous aviez besoin d'avoir une preuve physique de vos blessures invisibles ? Oui, alors je ne me suis pas exprimée comme ça tout de suite. J'ai aussi eu des réactions. Je vous parlais d'une jambe, mais des réactions épidermiques. 1 an après, que j'ai toujours aujourd'hui, donc quelques problèmes de peau. Et voilà, on ne peut pas le relier directement à ce qui s'est passé. On n'en sait rien, mais les dermatos pensent qu'il y a un lien évident. Moi, je serais tentée. Enfin, au début, non, je ne pensais pas, mais c'est peut-être ma façon aussi d'exprimer les choses. Finalement, ça ressort. Ça ressort par des problèmes de peau, ça ressort par des problèmes de jambes. Ça. Moi, j'ai l'impression de m'en sortir bien, j'ai l'impression d'être assez forte par rapport à tout ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression que j'ai bien géré la chose. Mais au final, les larmes peuvent vite revenir, il y a des choses. Par moments, des émotions qui sortent, on sait d'où, tout à coup, sans prévenir. Et les blessures, elles sont encore bien, bien réelles. Thank you.